la parole, la priorité sera donnée à ceux qui sont en train de faire la parole. Bienvenue dans le podcast Grandir, l'éducation en mouvement. Un podcast qui vous raconte la création d'une école, la Lab School Paris. Un podcast qui a pour ambition de partager des savoir-faire, des expériences et des connaissances dans le domaine de l'éducation. Un podcast à destination des enseignants, des professionnels de l'éducation et de toute personne s'intéressant à ce sujet. Découvrez dans cet épisode le concept de co-enseignement. Quels sont les différents modèles? Comment cela est-il mis en place à la Lab School Paris? Que cela change-t-il pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents? On vous emmène aussi dans la classe pour comprendre comment est appliqué concrètement le co-enseignement à la Lab School Paris. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses en positif. Alors, quand on parle de co-enseignement dans l'éducation, en fait, il faut différencier deux choses. Et à la Lab School, on s'appuie sur les travaux de Marilyn Friend et Lynn Cook, qui sont deux chercheuses américaines spécialistes du sujet. Il y a tout d'abord la question de la co-intervention. En fait, la co-intervention, c'est quand il y a deux adultes qui sont présents dans la classe. Donc, dans le système scolaire français, la co-intervention, c'est assez répandu en maternelle, même si ça porte pas forcément ce nom, avec les ATSEM, donc les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, qui sont depuis toujours là pour aider les enseignants, et on peut considérer que c'est une forme de co-intervention et elles sont très précieuses pour les enseignantes. Le co-enseignement, c'est vraiment lorsque les deux personnes qui sont présentes dans la classe, les deux adultes qui sont présents dans la classe, ont tous les deux un statut d'enseignant vis-à-vis des élèves officiellement. Et effectivement, il peut y avoir plein de modèles qui ont été un petit peu théorisés par Friend et Cook, et puis repris par une chercheuse française qui s'appelle Marie Toulek-Terry et qui, elle, travaille beaucoup sur la question de l'inclusion, puisque la présence de deux adultes dans la classe s'est aussi développée avec la question des maîtres de l'enseignement spécialisé, du RASEN, en fait, voilà, qui pouvaient être présents. Donc, les différentes modalités sont évidemment très fluides et on passe de l'une à l'autre de manière souple, en général. Donc, d'une part, il y a vraiment le co-enseignement en présence, c'est-à-dire que les deux enseignants font cours en même temps, par exemple, à une leçon au tableau. C'est un modèle qui est assez intéressant, notamment quand on veut justement mettre en place un co-enseignement bilingue et qu'on passe d'une langue à l'autre et qu'on fournit aux enfants le vocabulaire ou l'explication dans les Est-ce deux que langues. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de traduire à une idée de ce que ça peut vouloir dire? Oui, une épine. Vous pensez à la fleur? Vous savez, la rose, on est très prudent quand on l'a, quand on la tient, parce que elle a des petites épines comme ça. Alors ça, c'est une expression en anglais que je ne connaissais pas. Elle n'a pas de feuilles. Oui, c'est une rose et une épine. On va réfléchir ensuite à qu'est-ce que ça peut vouloir dire de partager une rose et une épine, mais il y a Mylène qui va d'abord finir de traduire. So, une rose et une épine from our math day yesterday. Can you just finish that sentence? Yeah. Alors dans la classe, donc on est toujours deux, mais on pratique le co-enseignement de différentes façons. Pour les apprentissages fondamentaux, donc l'anglais, le français et les mathématiques, on sépare la classe en groupes et on travaille chacune avec un groupe puisqu'on a des élèves de 6 à 9 ans. Donc y a, souvent, on met les CP d'un côté et les séances CE2 de l'autre. Donc dans ces moments-là, en fait, on est chacune à enseigner avec un petit groupe. Et l'après-midi, et dans tous les moments de regroupement, là, on est vraiment toutes les deux à enseigner en même temps. Donc l'idée, c'est que Gabi parle essentiellement en anglais et moi en français, même si on peut utiliser les deux langues, et qu'on se relaie et qu'on soit vraiment les deux en train de faire les leçons. Les enfants, ils savent que Gabi parle anglais et que moi, je parle français. Donc, parfois, pour certains qui sont vraiment mal à l'aise avec l'autre langue, ils peuvent privilégier le contact avec une enseignante ou l'autre. Mais globalement, on interagit quand même avec tous les enfants, et notamment, par exemple, des enfants qui sont moins à l'aise en français, qui comprennent moins, et ben, moi, je vais interagir avec eux souvent en anglais, en fait, pour qu'ils soient en toute confiance. Et puis après, quand on est dans les apprentissages, vraiment insister sur le français, la formulation, etc. Donc, il y a à la fois le rôle de l'enseignant où je vais insister sur le français et Gabi sur l'anglais pour leur apprendre à reformuler dans la bonne langue. Et en même temps, toutes les interactions un peu informelles et le lien entre les élèves et nous où, du coup, on échange quand même souvent dans la langue dans laquelle l'élève est le plus à l'aise. Donc souvent, quand j'écris, parle même en français, je demande à Philippine de me corriger si j'ai des questions en prononce comment, c'est une, un, comment écrit ça, et même avec les plus âgés dans la classe, je leur demande aussi. Et c'est la même... C'est la même chose pour moi où finalement c'est aussi modélisant dans le sens où on leur montre qu'on est aussi en apprentissage et il n'y a pas que eux qui sont là à devoir apprendre, mais on est tous en train d'apprendre et on s'entraide en fait, et c'est comme ça qu'on apprend aussi, en posant des questions à l'un, à l'une et à l'autre, et après on peut faire la même chose justement avec les élèves, ceux qui sont bilingues, qui peuvent me corriger et qui peuvent aider Gabi en français et moi en anglais. Un autre modèle qui peut être utilisé de manière plus ponctuelle, c'est lorsqu'il y a des enfants qui sont en difficulté ou quand il y a besoin de faire une observation particulière. Dans ces cas-là, un des enseignants est vraiment en train de faire son cours ou son explication et l'autre est en observation pour voir peut-être des interactions, pour voir ce qui ne fonctionne pas. Donc là, il n'est pas en train d'enseigner, mais il a un rôle très important pour voir ce que l'enseignant qui est en train d'enseigner ne voit pas des interactions. Il peut aussi y avoir l'utilisation du co-enseignement pour se partager les groupes et lorsque les classes sont nombreuses ou lorsqu'il y a besoin de faire des groupes de niveau, ce qui est quelque chose d'important parce que plusieurs travaux de recherche en éducation et notamment en économie, les travaux menés par Esther Duflo sur la question de teaching at the right level montrent que c'est important pour certains types d'enseignement de vraiment partir du niveau des enfants. Donc avec deux enseignants, on peut avoir deux groupes de niveau et puis donc du coup une plus grande exposition tant d'enseignants par élève dans cette modalité. Il peut y avoir aussi une modalité où un des enseignants enseigne à un groupe tandis que l'autre fait des exercices avec l'autre groupe, donc ils ont des contenus différents. Là aussi, l'intérêt évidemment, c'est que les enfants sont moins nombreux pour un seul enseignant et donc peuvent avoir plus de réponses à leurs questions, plus d'explications, plus d'individualisation, qui est un des aspects importants sur lequel maintenant les enseignants doivent agir dans les classes pour vraiment répondre aux besoins individuels des enfants. Et on le voit notamment avec la question de l'inclusion, puisqu'il y a de plus en plus dans la classe des élèves avec des besoins éducatifs particuliers qui n'ont pas toujours un accompagnant à leur côté. Ça dépend des situations. Et donc, évidemment, ça permet vraiment d'avoir un enseignement plus ajusté dans ces différents modèles. Donc, typiquement, à la Lab School, dans une journée, les enseignantes peuvent passer deux groupes de niveau. Donc là, elles enseignent chacune à un groupe, les groupes changent. Elles peuvent à d'autres moments être en co-enseignement pour présenter, par exemple, dans les cycles 2, les live studies de l'après-midi, où ça passe vraiment dans les deux langues. Et à d'autres moments, c'est l'enseignante qui fait, une des enseignantes qui fait la leçon ou l'explication. Et puis l'autre, par exemple, en profite pour noter des résumés, des synthèses, des questions en fait pour l'accompagner. Donc c'est des partenariats qui sont fluctuants. Ok, so today, in writing, les D c'est exactement comme le A. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas les chercher un peu chez le A. Regardez, je fais ma coquille du C. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en écriture? Lana? Je remonte tout droit et je redescends sur le même. C'est intéressant parce que c'est la deuxième année qu'on est ensemble. Donc ça change, ça évolue. Et c'est plus fluide aussi. Ouais. Parce que on a eu la chance de tout de suite très bien s'entendre niveau personnel. On a voilà, on a le même âge, on est un peu au même stade de vie, on a plein de points communs. Mais après, dans la classe, on a aussi, on est hyper différentes parce qu'on a des expériences différentes. Moi, je sors de l'éducation nationale française et Gabi, ouais, elle était... américaine, mais dans des écoles alternatives, pas du tout comme en France. Ouais. Ouais, donc on a des formations ouais, très différentes et donc aussi des attentes envers les élèves qui sont différentes, plein de choses. Mais finalement, je trouve que ça équilibre beaucoup. Et donc oui, on a un peu des rôles différents aussi parce que voilà, on a des personnalités différentes. Mais voilà, au fur et à mesure, plus on se connaît, plus on arrive bien justement à naturellement faire l'une et l'autre ce qui nous correspond et que ça fasse un bel équilibre dans la classe. Il y a, non, mais il y a beaucoup de fois où finalement, comme on est très différentes quand on est séparées, quand on est chacune dans notre groupe, les interactions individuelles avec les enfants ne sont pas toujours les mêmes. Et on observe les enfants vraiment différemment. Et ça permet voilà, de compléter, en fait, d'élargir le regard. Ouais. Et de dire « Ah, bah moi, j'ai pas remarqué ça » ou « Ah, j'ai remarqué ça ». Et donc, d'avoir une vision beaucoup plus large. On a aussi commencé à se rendre compte de tous les avantages et de toutes les contraintes, puisqu'il y en a, du co-enseignement. Donc, les avantages, bon... Voilà, le principal avantage en dehors d'un contexte bilingue, parce que ça peut aussi se faire en dehors d'un contexte bilingue, c'est la possibilité d'avoir donc moins d'effectifs d'élèves par enseignant, évidemment, ce qui est important. L'autre avantage qui est aussi en lien avec le projet fondamental de la Lab School, qui est vraiment de développer les capacités de coopération chez les enfants, c'est aussi de modéliser ça de manière très implicite, en fait, mais continue. Et ça, c'est vrai que c'est une compétence qui est de plus en plus demandée, la capacité à coopérer. Et il est assez paradoxal de se rendre compte qu'en fait, de 3 à 18 ans, et même au-delà avec les formations supérieures, les enfants, en fait, sont dans une forme scolaire où la plupart du temps, ils ont quand même un seul adulte qui est vis-à-vis d'eux, qui est censé leur apprendre à coopérer. Pegasus is a horse with wings. The Sphinx has the head of a woman, the body of a lion, and the tail of a snake. Cyclops has one eye. Okay. Wing, tu penses qu'ils le connaîtront? We talked about it when we were like making our creatures. That it's wings. But maybe they won't remember. But I'm sure some will remember. Oui. On peut faire attention dans les groupes à mettre suffisamment de. Because a lot of them were like putting wings on their creatures, so they were always asking. Ok, super. Mais moi aussi, j'ai pensé à quand on fait le planif. Yeah, quand on planifie. Quand on planifie. J'adore avoir une autre personne. Je pense qu'on trouve des idées beaucoup plus sympas, plus intéressantes quand on est ensemble et chacun, personne différente, on a des expériences différentes et donc on trouve des choses vraiment très très cool à faire avec la classe. Et je pense que c'est vrai, ça. En fait, à chaque petite vacance, on se retrouve et puis on dit, bon, bah voilà ce qu'on veut préparer, ce qu'on veut faire en classe. Et puis ça fait un espèce de brainstorm, ping-pong. Ouais. Et, c'est trop et cool. Très rapidement, on arrive on est déjà genre, ah ouais, c'est trop bien, on va faire ça. Ah, ça va être génial. Et c'est super agréable aussi. Parce que je pense que c'est un métier qui est hyper créatif aussi. Oui. Et donc, seul, on arrive à trouver des choses. Mais c'est sûr que dès qu'on mélange les idées, ça... Oui. C'est sympa. Et on trouve intéressant pour les élèves d'avoir ce modèle, de voir comment, en fait, par plein de petites interactions et plein de petits ajustements, les enseignantes collaborent, comment elles se font une place l'une à l'autre, comment la question d'une forme de pouvoir que peuvent avoir les enseignants dans la classe, qui est un pouvoir lié à leur connaissance et lié à leur statut de transmission de connaissances et puis lié à leur statut d'adulte en tant que modélisant pour les enfants. Du coup, les enfants voient qu'effectivement, même à ce niveau-là, c'est pas un enseignant qui déciderait, c'est une équipe d'enseignants et que du coup, coup, les discussions, les décisions sont prises en commun. Et ça, c'est un aspect un peu plus nouveau auquel on réfléchit, mais qui nous est aussi apparu et apparaît intéressant, notamment sur le plan de la recherche, en ce qui questionne vraiment la forme scolaire. Un dernier avantage, mais parmi ceux qu'on peut citer là, c'est aussi cette idée que le métier enseignant est vraiment en train de changer. On sait qu'il y a des difficultés qui sont d'épuisement professionnel, de burn-out, de risques psychosociaux. C'est une dimension importante et il y a eu des exemples assez tragiques dans différents contextes. Et un des aspects qui nous paraît ressortir de ça, c'est cette question de la solitude, en fait, et d'avoir finalement peu de temps pour échanger avec les collègues en dehors de temps de pause un peu informel et autres, mais chacun étant fatigué, c'est pas évident, on habite loin, enfin, une forme de sociabilité des enseignants qui se restreint et qui est complètement renouvelée par la possibilité du co-enseignement où on est pas seul en continu face à une classe, où on a un double regard sur les élèves, où on peut se soutenir. Enfin, il y a énormément de petites choses informelles aussi qui sont intéressantes à étudier, à explorer, de petits ajustements. Évidemment, la contrainte, c'est qu'il faut que les enseignants soient d'accord pour faire ça, parce que c'est ça veut dire avoir un collègue qui a un regard forcément sur ce qu'on propose, donc il faut trouver des modalités d'ajustement. Il faut prévoir des temps de préparation, parce qu'on peut improviser un certain nombre de choses, mais il faut quand même co-construire sa pratique de classe et son programme. Ce qui prend plus de temps, mais en même temps, ce qui est quand même vraiment souvent enrichissant. Il y a sûrement une question de compatibilité de caractère qui doit se faire ou de complémentarité, mais ça nous paraît aussi rajouter de l'intérêt humain et de la complexité intéressante à l'enseignement. Et puis après, évidemment, ça c'est un problème plus macroéconomique, la question d'avoir deux adultes, là où habituellement l'institution en finance un seul, donc ça c'est peut-être la contrainte majeure. Alors après, ça ouvre à des questions d'évolution du système scolaire importantes. Peut-être qu'on peut considérer que faciliter et renforcer les apprentissages des élèves à l'école maternelle, à l'école primaire, au début du collège, et leur permettre d'avoir vraiment des compétences et des connaissances solides. Peut-être que ça permet d'avoir des modèles ensuite au lycée qui sont plus universitarisés, avec des plus grands groupes pour un certain type d'enseignement plus magistraux. Enfin voilà, dans la mesure où si les enfants et les ados ont des connaissances plus solides, il y a peut-être moins besoin à ce moment-là de différencier ou de refaire des choses ou d'avoir des niveaux extrêmement hétérogènes et des inégalités croissantes qui sont liées à cette hétérogénéité qui font partie des défis auxquels est confronté le système scolaire français. On peut toujours demander de l'aide, ce qui est très très sympa. Parce que je sais, si j'ai vraiment besoin d'aide, j'ai toujours quelqu'un qui est là pour moi. Ouais. Non, mais c'est vrai que même quand on n'enseigne pas la même chose, on peut dire, je cherche une idée pour ça, est-ce que tu n'as pas des idées ? Moi, j'ai moins l'habitude de le faire parce que j'ai eu l'habitude de beaucoup préparer de mon côté. Et souvent, je me disais l'année dernière que je voyais que Gabi, elle avait certains réflexes parce qu'elle a toujours été habituée à travailler à deux, que je n'avais pas. Et parfois, je ne comprenais pas toujours pourquoi tu me posais certaines questions. J'étais genre, je ne sais pas, c'est ton groupe. Tu fais comme tu veux, en fait, tu décides. Moi, je dirais que ça dépend de personne avec qui tu travailles, parce que j'avais travaillé avec d'autres personnes qui, et avec eux, c'était beaucoup plus difficile pour se mettre d'accord. Et collaboration était un peu pas assez fluide, mais je pense qu'avec Philippine, je sais pas, ça dépend de personnalité, en fait. Donc. Ouais. J'imagine que s'il y a des personnalités très fortes et très opposées, ça doit être compliqué quand même, parce que on enseigne vraiment, enfin quand on est enseignant, on enseigne qui on est aussi. Et du coup, il y a aucune classe qui se ressemble vraiment, parce que ça dépend énormément de la personnalité des enseignants. Donc je pense qu'il faut quand même beaucoup d'ouverture pour être et de flexibilité, en fait. Oui. Et si on a peut-être des avis trop prononcés ou un manque de flexibilité, que la personne en face de nous va pas dans la même direction, à mon avis là ça devient très compliqué. Et je pense qu'il se passe dans ces moments-là, c'est que finalement, la plupart des séances se font chacune avec son petit groupe et fait ce qu'il veut. Comme ça, bon, ça pose moins de problèmes. Mais du coup, ça perd tout l'intérêt de... Voilà, toute la richesse par ailleurs de préparer certaines choses ensemble et de faire une unité de classe aussi. Alors pour moi, ça a beaucoup, beaucoup changé et ça m'a déchargé un énorme poids des épaules parce que je me mettais énormément de pression sur la gestion de classe, sur le calme des enfants. Et en fait, d'être le seul à porter tout ça, je me mettais beaucoup de pression, ce qui rajoutait... un peu de tension finalement dans la classe et le fait d'être deux à le gérer et de savoir que bah, s'il y a des moments bah, on est fatigué ou on sent que nos émotions commencent à prendre le dessus, on sait qu'il y a l'autre qui peut nous relayer et puis on est deux à parler aux enfants. Donc parfois, comme on est avec des enfants, on hésite parfois à la façon dont on doit réagir. Et là, on est deux, c'est un peu comme... parfois, j'ai un peu l'impression qu'on est un couple de parents. Parce que du coup, on peut demander à l'autre, même par rapport aux relations avec les parents, la façon dont on envoie les mails, parfois, voilà, l'une ou l'autre peut être un petit peu agacée. Donc, on demande, est-ce que tu peux relire? Est-ce que tu peux bien reformuler mon mail? Parce que voilà, l'idée, c'est que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est un vrai soulagement, un vrai atout. Et pour moi, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses en positif. La question du co-enseignement nous paraît vraiment ouvrir des pistes à la fois très concrètes pour les élèves, dans l'intérêt des élèves, dans l'intérêt de la professionnalité des enseignants, dans l'intérêt du vécu quotidien et du bien-être, un autre axe important à la Lab School, et plus largement un côté un peu transformateur en profondeur de la forme scolaire et du modèle aussi relationnel transmis aux enfants. D'avoir des maîtresses pour des différents travaux et c'est mieux. C'est bien d'avoir des maîtresses parce que il y en a une d'une langue et une de l'autre. Ça fait plusieurs diversités de plusieurs pays. Moi j'aime bien avoir des maîtresses. On peut faire plus de choses. Aussi quand il y a des activités que les personnes n'aiment pas. Parfois, une des autres maîtresses, elle en propose une autre. Donc, il y a plus de choix sur les choses qu'on peut faire. Et aussi, moi aussi, j'ai été habituée à toujours avoir deux maîtresses. Et je trouve aussi que c'est bien parce qu'il y en a une parfois qui est d'une autre langue et tout ça. Donc, ça nous permet d'apprendre de nouvelles langues. Comme par exemple, là, il y a une maîtresse qui est anglaise, une autre française. Et donc, c'est plus facile pour apprendre des langues et tout ça. Moi, je trouve que c'est cool. Comme ça, tout le monde peut se faire aider par des maîtresses. Avoir plusieurs enseignants, c'est bien parce que c'est dans plusieurs domaines et on apprend plus de choses en un temps qui est pas mal. Et par exemple, si tu as 2-3 enseignants sur des choses différentes... c'est beaucoup mieux en fait parce qu'il y a des avis différents, il y a des pensées différentes, on apprend des choses différentes, il y a des points de vue différents, donc c'est un autre monde dans chaque professeur aussi. Et moi je trouve que c'est bien, voilà.